si vous étiez fusionné, vous n'auriez pas ce problème-là. Et comme vous n'êtes pas fusionné, vous êtes dans la vibration, l'énergie est forte. Fait que là, si vous ne faites pas, là, vous partirez en bas. Toujours changer la situation du corps astral.

Ma femme, elle aime ça être dans le club pendant l'hiver. C'est une femme du bon moment. Elle aime ça, c'est bon. Et un jour, elle a rencontré un type, un bel homme, une affaire de 6 pieds 2. Un bel homme. Tu sais, quand tu dis un bel homme, pas un amancheux comme moi, hein. Puis comme je ne pouvais pas sortir, puis je ne pouvais pas l'abuser, j'étais en initiation. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec? Pourquoi tu ne vas pas aller souper et pencher? Puis c'est un gars qui était bien, tout au bout. Puis il est sorti, puis il est allé souper, puis il est allé manger, parce qu'il est allé bien. Bon, avec du bon. Belle intelligence, donc. Moi, ça faisait partie de mon travail de le faire. Il fallait que je le fasse. D'abord pour qu'elle se relaxe, puis aussi pour qu'elle détruise en elle la susceptibilité, pour qu'elle devienne centrique. Parce qu'une femme, en général, si son mari dit bon, mais pourquoi tu vas pas sortir avec lui, ben, elle a l'impression qu'elle ne l'aime pas. Hein? Parce qu'un homme ne va pas dire sors donc, tu ne seras pas ta femme de devoir sortir avec un autre gars. Elle se demanderait des questions. Bon, c'est un petit peu de même. Fait que pour détruire cette illusion-là, je l'avais faite. Mais je disais à eux autres, combien de temps ça va durer, cette affaire-là? Ils disaient, c'est pas moi. Mais j'avais hâte, ça arrête. j'avais hâte, ça arrête. Pas à cause de la femme, mais à cause de l'autre gars. L'autre gars n'était pas conscient. C'est un grand parent. Moi, je pourrais dire à ma femme, va-t'en là avec, comment ça s'appelle, Michel, soit un prendre. C'est une autre vibration. Mais quand tu tombes au niveau de l'inconscient, elle les appelle les inconscients. Il y a des gens, le monde, des inconscients. T'as pas un bois d'être inconscient. Mais c'est dit pareil. C'est vrai? Mais étant suffisamment consciente, je savais où elle pouvait arrêter. Mais je lui disais pareil, quand est-ce que ça va arrêter? Ça va arriver à 3 mois. Pas plus, ça dure 3 mois. Lui vivait ses illusions. Lui vivait ses illusions, ma femme, elle vivait son expérience. Puis moi, j'en pâtissais. Mais moi, j'étais fusionné, puis j'avais pas le choix. Dans ce temps-là, tout le monde travaillait. Tout le monde travaille. Exactement. Puis un soir, il était à 3h du matin, il n'y va pas. Qui c'est qu'il a fait? Là, tu me dis à Samuel. Toi, tu te relaxes, ça. Samuel. Je suis plus bien là. Mais l'affaire que tu parles, là, c'est lié à ça. La position de la sincérité, tout l'affaire, c'est des vibrations qui viennent de l'âme. C'est pas que souvent, il y a des parties. Quand il y a quelque chose qui fait de vous-même que vous ne comprenez pas, c'est parce que ça vient de l'âme. Quand ça ne saisit pas, comme on dirait qu'il n'y a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison, ça, justement. Ça vient de l'âme. Il n'y a pas de raison. C'est ça. À ce moment-là, il y a une façon de le faire, c'est de le vivre. Puis de le comprendre dans ce sens que c'est le même, puis il n'y a rien là. Mais pas sans culpabilité, puis sans faire une montagne. C'est dégueulasse quand tu t'arrives quelque chose, tu n'as jamais été jalouse de rien, tu arrives quelque chose, tu as une belle crise de jalousie, ou du moins tu te rends compte que c'est de la jalousie. Ouais. Ben, c'est parce que on l'interprète de même. Mais c'est pas de la jalousie. Je m'en vais chez lui, là, puis je sors de là à Genève-Noire, jalouse, là. Moi, je viens parler bien pour moi, là, tu sais. Ouais. Ça, là, t'as arrivé à voir, C'est des taquineries. C'est tout, du vieux, c'est tout du travail. C'est toujours, ils font toujours du travail. Ils font toujours du travail. Mais il dit de tempérament, tu pourrais être susceptible à la jalousie. De tempérament, tu pourrais être susceptible à la jalousie parce que de tempérament, tu n'es pas ceci. La jalousie, elle commence toujours avec la possession quelque part. Moi, je ramasse ma vie, je ramasse, puis elle est pas plus de solidarité. Tout à moi, si je vais mettre du travail, le gars. Hey, ma femme est mon mur. As-tu fait dans la cuisine? Oui. J'arrive ici, tu t'es capable de l'élever, je t'adore. Je l'ai élevé, là, pour vous me la donner. Tu t'es capable de la sortir. T'as dit que tu t'es capable de l'élever. Je le regrette, mon petit C'est des taquineries. Des taquineries. Oui, Doc, ça a été. Je dis que les. Comment ça s'appelle? Comment ça? Monsieur Arbeck, il mange tout le temps. Il dit que ça n'a rien vu, monsieur Arbeck. Il dit qu'il ne tranquille pas. Oui, la preuve, c'est que de temps en temps, là, quand il est venu, il se préparait sur les chapeaux qui viennent d'être. Comment est-ce que vous réagissez, vous autres? Ah, ben là, c'est loin de nous autres. C'est pas vrai, ça. Ben, c'est pas vrai, ça. Pourquoi vous savez? Ah, ouais, ouais. Veux-tu que je bâtisse ça? Je suis juste une demi-page, je veux le pas. L'autre jour, je l'ai eu pareil, je te lis pareil. C'était dans la cosmogonie, là, quand Jésus. Comment est-ce que ça s'appelle? Oui, on va vous dire, hein? Oui, c'est rendu que le mot Jésus me fatigue. Ouais. Le mot Jésus me fatigue. La vibration du mot Jésus me fatigue. Parce qu'il y a toujours une émotion là-dedans. Puis il n'y en a pas d'erreur là-dedans. Ils n'ont pas été poussés trop loin. J'avais vu une fois que les initiés se demandaient s'ils avaient bien fait l'affaire. Les initiés se demandaient rien. C'était pas des initiés. Des canards. Les initiés, ça se demandera à rien. Ça existait dans ce temps-là, il y a 2000 ans, après. C'était dans ce temps-là, mais là, 2000 ans après, il y a toujours de lui. C'est ça que ça me dit. Qu'est-ce que ça fait, les similaires? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Mais pas les similaires, je sais pas.

L'autre ici, je suis. Moi, depuis un mois, là, j'ai senti des changements et des changements. C'est que un mois, trois semaines et un mois. Pour moi, c'est plaisant parce que c'est comme si je dis, bon, ben, c'est en famille l'affaire. Le gars est dans. Après ça, une fois que tu es dans la roue, tu comprends, mais ben, ça prendra un temps. Si, une fois que tu as passé à la roue, le démarrage. La roue est partie. Ouais, ouais, c'est le fun. Là, je ne sens plus le poids. Ben. Je pense que ça commence à venir de l'intérieur. Ouais. Ouais. Parce que quand ça vient de l'intérieur, je le sens, moi. C'est rien que ta façon de me parler, je le sens. La nouvelle question me le dit. Comme ça, tu me dis, ils ont hâte qu'elle se fasse un chien, mais... On dirait qu'il préserve les gens de certaines expériences pour d'autres expériences. Puis l'ego, souvent, lui, ça taquine. L'ego, il aimerait ça. D'autres expériences. Il y en a qui se marieront pas vite. D'ailleurs, moi, je suis sûr que toutes les alliances qui vont se faire dans la vie vont se faire à l'intérieur de cette conscience. Là. Les gens vont se découvrir, ils vont en avoir un, là. Un certain âge qui va montrer l'autre, ça va cliquer. Non, c'est parce que tu peux pas. Tu peux pas, tu sais, aller vers de l'inconscient. Non. La conscience va vers la conscience. Okay. Une qui est venue à un séminaire, elle était assez cute, elle avait 25 ans, je m'en parle, tu vois. J'ai hâte que ça grosse. Mais tu sais, moi je peux, hein? Si. Je sais pas comment ça s'appelle. Wow. C'est lui, il y en a. Elle est cute, elle est cute. Elle est cute, elle est cute. Elle est cute. Ouais. Donc, vous êtes rencontré à Sydney, vous dites, allez. Ah, mais je veux dire, après le Sydney ou avant? C'est-à-dire que vous connaissiez avant. Mais ça a cliqué après. Il a le sens qu'on le comprend, nous autres. Hein? Parce que moi, je me rappelle, j'ai vu une journée et j'ai fait un commentaire. C'est après cette journée-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est vrai ou pas, là? Vous déjà en ce moment? Oui, on a fait 2000 pour marier ça. Il y 2 minutes. Nous autres, on a interversé une peau. C'est-tu que c'est quand même une petite est encore gênée? Ta femme? Ta femme? Ça prend 2 ans, elle n'a plus de gêne. La gêne, c'est comme un, c'est une retenue d'énergie. La gêne. Une retenue d'énergie. Tu as pu être gêné un petit peu. 2 ans, elle n'a plus de gêne. C'est pas un, par rapport à un balancement, par rapport à nous deux. Ah, il dit par rapport à elle-même. Par rapport à elle-même. Parce que des fois, moi, j'ai pas de gêne dans tout, des fois, je suis gêné. Ouais. Ah, mais toi aussi, t'as de la gêne. Oh, oui, oh, oui. Ah, oui. Tu veux mettre un petit peu en l'air, en te cacher un petit peu en l'air. Ça sort, ça va. C'est des fois qu'elle bloque complètement. Ouais. Une autre fois, ça ne me dérange pas pendant tout le temps. Mais toi, ta gêne, c'est interne. Mm. Ça va pas faire que c'est rien. Non. C'est comme vibratoire. C'est vibratoire, exactement. Ah, c'est... Alors, c'est pas vrai, je vous. Nous autres, c'est vrai, c'est pas vrai. J'aime bien, ça. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est Elle est bien. A toujours été bien dans mes yeux. Ce que j'aime, moi j'aime que les gens soient là. Quand ils viennent à la maison, comme ça, quand ils sont rendus, ils vont se sentir bien. Ils se mettent à leur oreille. On peut se parler. Elle a tout intériorisé son énergie. Tout intériorisé. Je me rappelle quand je pensais à la conduite. Moi, j'ai tellement habitué de parler comme un petit quand je parle plus, je sais plus comment. Tu parles de la vie. Je ne peux pas me danser, ma mère. Je rêve de danser. C'est le dernier chant de l'échelle. Tu parles de respect. Le respect, ouais. Non, on va parler du respect. Le respect au niveau des enfants. C'est le respect au niveau des enfants. Dans l'éducation des enfants, le respect, c'est la clé de voûte de toute l'éducation des enfants. Si les enfants, si vous éduquez les enfants et que vous ne leur inculquez pas le respect, il dit qu'il manquera toujours un filon entre vous et eux autres qui vous empêchera de passer de l'information à eux autres.

Quand je suis amené à la maison, tu es bien contente, tu vas venir dans les fait que c'est comme si je suis en voyage. Là, j'ai les sacrifices, j'étais bien content. Puis l'année, j'ai amené deux de mes amis, ma femme, puis une autre personne. On est tous des speakers. On est parqués dans le char, à cause de la rivière. Il y en a un qui est sorti, puis qui a monté comment faire sa fête. On était tous là pour le regarder à poigner ses poissons. Il n'y en a pas un de nous autres qui est parti parce qu'on est venu. Moi, je ne pêche pas, mais eux autres, ils aiment ça aller pêcher. L'ego n'était pas impliqué dans l'action de la fête. Fait, on était tous là, là comme 5 yo-yo. C'est comme la petite pêcher. Fait, tu comprends qu'en en recevant de l'impression venant de nos personnalités à eux autres. Ça, on est reparti. Vous voulez d'arriver de l'école, ben, tu peux pas vous aller payer, lui, tu sais, toi. Je pensais que je t'aurais à reconduire en bas de la côte. Prends une petite marche, mon pêche. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la canne de pêche, pour qu'elle puisse descendre par elle-même. Ben, les pêcher, tu sais, comme moi, tu vas les pêcher. Ça, tu viens de ta pêche, ton poisson. Fait que le mouvement, ça, j'ai fait mon occupation. On lui a donné l'impression du respect. Bien important le respect. Faut que ce soit inculqué le respect. Il y a des enfants qui sont doux de caractère. Ça grandit seul, ça pousse seul. Le respect, t'as pas besoin de t'en occuper, ils sont automatiquement respectés. Il y a des enfants qui ne sont pas automatiquement respectueux. Ça, c'est des vibrations qui viennent de l'âme, qui passent par le caractère et par la mère. Des fois, c'est pas difficile. Il faut que tu l'imposes le respect. Pour que les enfants connaissent les limites où ils peuvent aller s'excitant leur expression envers la famille. Sans ça, ça c'est bon. Mais. C'est pas de leur imposer le respect. Tu te le donnes, il faut que tu leur en donnes. Oui, justement, il y a l'apprentissage à faire dans ça parce que je crois pas moi, que ce soit en criant après un enfant qu'on lui apprend à respecter. Non, ça c'est la crainte. La crainte, c'est pas bon. Parce que tout de suite, si on se place à son niveau, il va apprendre, il va le faire son apprentissage de par l'exemple qu'il reçoit. C'est bien compliqué l'éducation des enfants. Il faut quasiment prendre une famille et une autre famille. C'est, je donne dans la génération. C'est bien compliqué. Le respect des adultes, bon, mais c'est différent de l'espace des adultes. Il dit un adulte qui est conscient n'a pas à respecter personne. Parce que la conscience est l'harmonie. Automatiquement, il y a du respect. Si un adulte conscient respecte une personne, ça vient de l'émotion. Ça vient de l'insécurité de l'ego. Cacher les bains, celle-là. Tu comprends? Un adulte conscient n'a pas à respecter une personne parce qu'il est conscient. Autrement dit, exemple graphique, supposons que je vis dans ma maison appartement. Ma conscience ne me permettra pas de mettre la musique bien fort pour troubler les gens. Tu ne peux pas t'entraver. Ouais.